Unité 39. Conversation. Voyons aujourd'hui le pronom relatif « où ». Écoutez. 1. La maison où j'habite est près du parc Monceau. 2. La station où nous allons habituellement se trouve à quelques kilomètres de Pralognan. 3. Le bureau où je travaille est dans le centre. 4. Je veux ma caméra pour le jour où je partirai. 5. La semaine où les enfants seront en vacances, nous irons à la montagne. 6. C'était l'année où il a fait si froid. Répondez, répétez. 7. Où est la maison où tu habites? 8. La maison où j'habite est près du parc Monceau. 9. Où se trouve la station où vous allez habituellement? 10. La station où nous allons habituellement se trouve à quelques kilomètres de Pralognan. Où est le bureau où tu travailles? 12. Le bureau où je travaille est dans le centre. 13. Pour quand veux-tu ta caméra? 14. Je veux ma caméra pour le jour où je partirai. 15. Quand irons-nous à la montagne? 16. La semaine où les enfants seront en vacances, nous irons à la montagne. 17. Quand es-tu venu à Chamonix pour la première fois? 18. C'était l'année où il a fait si froid. Il y a eu un hold-up au Crédit Commercial de France. L'inspecteur Lenoir commence son enquête. Écoutez. 19. Où étiez-vous exactement quand les bandits sont entrés dans la banque? 20. Au moment où ils sont entrés, j'étais à la caisse. 21. Et alors, dites-moi très précisément ce qui s'est passé. 22. Dès qu'ils sont entrés, ils ont crié « Oh les mains !» 23. Et après? 24. L'un d'eux s'est approché de la caisse et m'a obligé à lui donner l'argent. Répondez, répétez. 25. Où étiez-vous exactement quand les bandits sont entrés dans la banque? 26. Au moment où ils sont entrés, j'étais à la caisse. 27. Et alors, dites-moi très précisément ce qui s'est passé. 28. Dès qu'ils sont entrés, ils ont crié « Oh les mains !» 29. Et après? 30. L'un d'eux s'est approché de la caisse et m'a obligé à lui donner l'argent. 31. Et vous, monsieur le directeur, où étiez-vous quand ils sont entrés? 32. Lorsqu'ils sont entrés, j'étais dans mon bureau avec un client. 33. Et vous n'avez rien pu faire? 34. Non, ils m'ont ligoté avant que j'aie eu le temps de déclencher le signal d'alarme. 35. Pouvez-vous donner leur signalement? 36. Non, ils étaient tous masqués. 37. Donc, vous n'avez rien remarqué qui puisse aider l'enquête? 38. Si, un des bandits, avant de sortir, a perdu un briquet. Répondez, répétez. 39. Et vous, monsieur le directeur, où étiez-vous quand ils sont entrés? 40. Lorsqu'ils sont entrés, j'étais dans mon bureau avec un client. 41. Et vous n'avez rien pu faire? 42. Non, ils m'ont ligoté avant que j'aie eu le temps de déclencher le signal d'alarme. 43. Pouvez-vous donner leur signalement? 44. Non, ils étaient tous masqués. 45. Donc, vous n'avez rien remarqué qui puisse aider l'enquête? 46. Si, un des bandits, avant de sortir, a perdu un briquet. Écoutez. Tu as besoin de quelque chose? Oui. Lorsque tu auras un moment, tu devrais réparer la lampe. Qu'est-ce qu'elle a? Lorsque je l'allume, elle fait sauter le disjoncteur. C'est dangereux. Il doit y avoir un mauvais contact dans la prise. Il faudrait la réparer avant qu'il ne fasse nuit. Je m'en occuperai aussitôt que j'aurai fini cette lettre. Oui, mais fais-le dès que tu as fini, sinon tu oublieras. Répétez. 47. Tu as besoin de quelque chose? 48. Oui, lorsque tu auras un moment, tu devrais réparer la lampe. 49. Qu'est-ce qu'elle a? 50. Lorsque je l'allume, elle fait sauter le disjoncteur. C'est dangereux. 51. Il doit y avoir un mauvais contact dans la prise. 52. Il faudrait la réparer avant qu'il ne fasse nuit. 53. Je m'en occuperai aussitôt que j'aurai fini cette lettre. 54. Oui, mais fais-le dès que tu as fini, sinon tu oublieras. Répondez, répétez. 55. Tu as besoin de quelque chose? 56. Oui, lorsque tu auras un moment, tu devrais réparer la lampe. 57. Qu'est-ce qu'elle a? 58. Lorsque je l'allume, elle fait sauter le disjoncteur. C'est dangereux. 59. Il doit y avoir un mauvais contact dans la prise. 60. Il faudrait la réparer avant qu'il ne fasse nuit. 61. Je m'en occuperai aussitôt que j'aurai fini cette lettre. 62. Oui, mais fais-le dès que tu as fini, sinon tu oublieras. Écoutez. 63. Il arrive toujours au moment où nous nous mettons à table. 64. Je n'aime pas qu'on me dérange lorsque je travaille. 65. Monsieur Humbert est arrivé à la gare juste au moment où le train partait. 66. Lorsque je suis parti, le téléphone sonnait. Répondez, répétez. 67. Quand Marcel arrive-t-il toujours? 68. Il arrive toujours au moment où nous nous mettons à table. 69. Ça ne va pas, hein? 70. Non, je n'aime pas qu'on me dérange lorsque je travaille. 71. Quand Monsieur Humbert est-il arrivé à la gare? 72. Monsieur Humbert est arrivé à la gare juste au moment où le train partait. 73. Y a-t-il eu un coup de téléphone? 74. Oui, lorsque je suis parti, le téléphone sonnait. Écoutez. 75. Je lis toujours le journal avant de m'endormir. 76. Il faut que je le voie avant qu'il ne parte. 77. Je lui parlerai avant qu'il ne prenne sa décision. 78. Marcel a réparé la prise avant qu'il ne fasse nuit. Répondez, répétez. 79. Que fais-tu avant de t'endormir? 80. Je lis toujours le journal avant de m'endormir. 81. Veux-tu voir Paul? 82. Oui, il faut que je le voie avant qu'il ne parte. 83. Paul ne veut pas continuer ses études? 84. Je lui parlerai avant qu'il ne prenne sa décision. 85. Marcel a-t-il réparé la prise? 86. Marcel a réparé la prise avant qu'il ne fasse nuit. Écoutez. 87. Préviens-moi dès que tu seras libre. 88. Téléphonez-moi aussitôt que ma voiture sera prête. 89. Je te paierai dès que j'aurai reçu ma paye. 90. Il lui parlera dès qu'il sera rentré de Lyon. 91. Je me suis aperçue qu'il avait oublié ses papiers dès qu'il était sorti. 92. Aussitôt qu'il a commencé à pleuvoir, j'ai fermé les fenêtres. Répondez, répétez. 93. Tu veux me voir? 94. Oui, préviens-moi dès que tu seras libre. 95. Vous avez besoin de votre voiture? 96. Oui, téléphonez-moi aussitôt que ma voiture sera prête. 97. Quand me paieras-tu? 98. Je te paierai dès que j'aurai reçu ma paye. 99. Quand lui parlera-t-il? 100. Il lui parlera dès qu'il sera rentré de Lyon. 101. Quand t'en es-tu aperçu? 102. Je me suis aperçu qu'il avait oublié ses papiers dès qu'il était sorti. 103. Quand as-tu fermé les fenêtres? 104. Aussitôt qu'il a commencé à pleuvoir, j'ai fermé les fenêtres.